bouteille ouverte, pétard roulé. Je rapperai même sur un air de ukulélé pour rigoler. C'est donné, désolé, j'aime la weed bien plus que toi bébé. Le sunshine, les poteaux et j'ai la speed débridée. Concurrence à l'agonie, MC éliminé. T'es liquide, VLOW. Est-ce que tu connais les véritables boycottés? Je veux faire bouger les meufs comme les raclots. Quitter le bateau, m'éloigner des ragots. Je vais me barrer loin où il fait beau. Qu'on me parle de la vie et pas de braco. Je partirai là où le vent me mène. J'oublierai ma rage et ma peine. Je casse ma puce et je me fais la belle. Je veux m'enfuir loin des problèmes. Vu pas l'oradique, merde mieux c'est l'azur. Rien de problématique, loin de Paris je t'assure. Mesdames sur bord de plage, je contemple la nature. J'en oublie les trafics, les problèmes de la rue. On vu panoramique, merde mieux c'est l'azur. Rien de problématique, loin de Paris je t'assure. Mesdames sur bord de plage, je contemple la nature. J'en oublie les trafics, les problèmes de la rue. C'est de près des coucous. Je fous pas dans mon poche, pas Brido. Casse le vissé sur le chiro. Je descends dans le sud avec les poteaux. Bouteille de Jack, sors ta bouteille de Jack. Rien qu'on se pète des grognards ce soir, on en fume tout l'appart. T'es boycotté, ça prévient pas, ça frappe fort. Bibi pour payer son loyer ou pour un putain de décor. Je deviens loco, je pétarde des terres comme un gogol. Je vais toucher l'auto, l'auto menait la vie de mes idoles. Mais plus c'est court et plus c'est bon, d'autres j'en profite. La vie c'est court, donc la savoure c'est comme un gros spliff. Vu panoramique, merde mieux c'est l'azur. Rien de problématique, loin de Paris je t'assure. Mesdames sur bord de plage, je contemple la nature. J'en oublie les trafics, les problèmes de la rue. Vu panoramique, merde mieux c'est l'azur. Rien de problématique, loin de Paris je t'assure. Mesdames sur bord de plage, je contemple la nature. J'en oublie les trafics, les problèmes de la rue. Les problèmes de la rue, les problèmes de la rue. J'me casse de Paris, j'oublie le ciel gris. Juste la plage, j'suis ravi. Le soir, j'suis rabat avec mes amis. J'm'évade les gousses, j'm'évade boîte la grigousse. J'profite la vie car je sais qu'elle est courte. Les emmerdes pour de la douce, les poulets à tes trousses. La vie est une course, tous les jours, moi j'le pousse. Moi j'veux fuir la galère, fumer l'air, changer d'air. Dans le sud avec mes frères, BR et Belvedere. Vue panoramique, merde mieux c'est l'azur. Rien de problématique, loin de Paris, je t'assure. Mesdames sur bord de plage, je contemple la nature. J'en oublie les trafics, les problèmes de la rue. Vue panoramique, merde mieux c'est l'azur. Rien de problématique, loin de Paris, je t'assure. Mesdames sur bord de plage, je contemple la nature. J'en oublie les trafics, les problèmes de la rue. Vue panoramique, merde mieux c'est l'azur. Rien de problématique, loin de Paris, je t'assure. Mesdames sur bord de plage, je contemple la nature. J'en oublie les trafics, les problèmes de la rue. Vue panoramique, merde mieux c'est l'azur. Rien de problématique, loin de Paris, je t'assure. Mesdames sur bord de plage, je contemple la nature. J'en oublie les trafics, les problèmes de la rue.